c'est toujours le même abordé. Fondation des cités d'or, je viens t'informer que notre rap a toujours le même accord. Je viens accoster, man, je viens t'aborder. Si t'as une grande gueule, t'apprendras le silence à la morgue. Tête de mort, non, sur le drapeau PLAN. Mon navire, un tsunami des blocs, ton équipe fait de la peine. Nous on reste là, fidèle au poste CVIN. Tu me cherches, vais voir un coup, je suis au local avec ALON. Mon équipe, des fils d'ouvriers ou tirailleurs qui ne veulent pas savoir qui t'es. Mais pourquoi tu veux qu'on se tire ailleurs? T'as pas compris, c'est pire ailleurs. T'es à l'abri, nulle part ailleurs. Mais réalise tes rêves, hey, ici ou ailleurs. Hey, hey bébé, comme dit mon pote, surveille ton boule. Car mon ami, vais-je plus qu'un ami pour toi? Donc surveille ton boule. C'est des phénomènes, de sacrés phénomènes. Sans le futur blessé. Sexe, drogue, bad boy à l'âge des épées. L'émeraude à l'oreille, ils veulent s'engraisser. Sky, rock, passe la rue à l'heure du goûter. Duke, boxe, humain, paraît que je vais arrêter. J'suis un tox de la musique pour me piquer. Comment ils veulent stopper le disque avant que j'ai croqué? Ghost, dog, dis-leur que le rap fallait pas l'inventer. Car je sais faire que ça sur ma mère. Akhenaton a déniché la perle. ALON, c'est le bloc, la roulotte, moi j'ai tout à perdre. Car j'ai trop gagné en étant père. Miami à mort, comme tout le monde, je suis personne sur terre. Souvent dans les nuages avec les frères. On prend de l'âge en décalage, mais c'est la rage qui me rend speed, mon frère. Touche pas la cocaïne, ça porte trop la guine, mon frère. Oh. Tu peux toujours nous salir dans la presse. Envoyer tes camions de CRS. Je sors de 2007 comme un éléphant dans une boutique de porcelaine.